Je suis avec Flo, guitariste de Ingrina, groupe de post-metal, post-hardcore, originaire de Tulle, en Corrèze. Salut Flo, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour la sortie de votre nouvel album. Avec plaisir, hello, salut. Est-ce que tu peux commencer, avant qu'on parle un peu plus de ce nouvel album, par te présenter et présenter un peu ton groupe, ce que vous faites, comment vous en êtes arrivé à faire de la musique ensemble, tout ça, tout ça? Pour résumer, ça fait. Moi, j'ai rejoint le groupe en 2016. C'est un projet. Moi, je suis de Limoges, donc c'est à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de route de Tulle. C'est des copains, c'est plusieurs formations. On se connaît depuis très longtemps. Et ils ont enregistré un premier morceau démo. Sauf qu'ils ont mis trop de guitares. Et donc, ils m'ont contacté pour faire la troisième guitare à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a commencé à jouer ensemble. Hein. La spécificité de cet album dont on va détailler ici, c'est qu'en fait, c'est le troisième volet d'une trilogie d'albums. Ouais. On va dire que toute votre œuvre jusqu'à présent est basée sur cette trilogie, étant donné que c'est votre troisième album. Est-ce que vous aviez dès le départ cette idée de vouloir faire un triptyque de trois albums qui étaient liés, ou en fait est-ce que vous avez fait le premier, puis le second s'est naturellement calé sur le premier, puis le troisième s'est naturellement calé sur les Ouais, autres? c'est plutôt comme ça. C'était plutôt au fur et à mesure de ce que l'histoire, ce que ça pouvait raconter musicalement. Et le dernier, voilà, qui sort au mois de février. Voilà, celui-là, on a mis un peu plus de temps à le faire. Mais effectivement, au départ, on ne s'est pas dit il y aura trois albums, on s'est rien dit du tout d'ailleurs. On a fait un premier titre, et donc en 2016. Je crois qu'il y avait trois titres et on est parti en tournée un mois après. Et après, voilà, on a fait l'album le premier qui est sorti en 2018, le deuxième en 2020, et puis celui-là qui a pris plus de temps. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu justement la thématique globale de cet album et de la trilogie? Parce que moi j'ai quand même l'impression que, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai quand même l'impression que pour comprendre votre musique, comprendre ce qu'il y a derrière, ce que vous voulez faire passer comme message, c'est important. C'est la sensation que j'ai eue. J'ai écouté une première fois, tu vois, sans avoir regardé un peu le contenu. J'ai lu, j'ai réécouté, et je me suis dit, là, il y a des choses qui me paraissent de suite pas logiques, mais plus compréhensives. Ouais, parce que c'est une musique très très très cinéma en fait, comme elle se déroule. Donc effectivement, avec tous les thèmes. Alors celui qui écrit les paroles, c'est surtout Nico, qui est un des guitaristes. Donc lui pourrait plus effectivement élaborer là-dessus. Mais oui, c'est des thèmes, des choses importantes pour la compréhension de l'album. Ouais. Donc comment ça se déroule, effectivement, tout ça. Et est-ce que tu peux nous situer un peu ce que dans chaque album, ce que vous avez fait passer pour un peu se dérouler de contenu ou... C'est difficilement résumable là. Ok. Je saurais pas. C'est assez complexe à résumer comme ça. Je relis un peu ce que les copains ont dit parce que ils s'expriment peut-être mieux que moi pour certaines choses. Tu vois, ils disaient le premier album. Donc, qui est sorti en 2018. Et Et le deuxième, on a repris d'anciens morceaux. C'est encore quelque chose de différent. Et là, c'est des albums aussi sur des fractures de civilisation. Et là, voilà, le nouvel album, c'est quelque chose de plus volcanique, plus violent aussi, donc dans la musique. Peut-être plus libéré aussi d'une certaine façon, j'ai l'impression. Est-ce que ouais, tu avais écouté toi les autres albums avant ou... Oui, Tu... j'ai aussi fait mon boulot jusqu'au bout, oui, j'ai écouté les autres albums, mais effectivement, il y a un côté plus violent, rentre dedans, enfin, qui pulse plus. Et bah, d'ailleurs, c'était une de mes questions suivantes. C'était parce que moi, votre album, de suite, j'ai trouvé que tu vois, les morceaux étaient longs, mais toujours bien construits, avec des ambiances, tu vois, qui montent progressivement. Qui donne justement de plus en plus de puissance et d'émotion. Et tu vois, avec un côté quand même très atmosphérique aussi, tout du long, qui se construit petit à petit. Et je trouvais que justement, c'est quelque chose qui vous démarque pas mal de ce qui peut se faire actuellement un peu dans tout ce qui est post-metal, post-hardcore, où parfois, on est souvent sur du soit très aérien tout le temps, soit très très bourrin de suite. Je sais pas si vous, c'était aussi une volonté d'être un peu cet équilibre entre les deux permanent. Ouais, parce qu'on a essayé donc avec tous les albums, avec celui-là, il y a eu des changements de line-up. C'était un groupe qui avait deux batteries avant. Pour celui-ci, il n'y en a qu'une, donc ça change quand même pas mal de choses en termes de composition. Et puis, on a passé beaucoup, beaucoup de temps déjà à faire des maquettes. Et ensuite, vu qu'on a tout enregistré, mixé nous-mêmes, on a passé énormément de temps à travailler les textures, les ambiances. Et du coup, on rajoutait parfois dans les moments, comme tu dis, les plus bourrins, et en même temps, en se laissant. Parce que des fois, peut avoir le côté plus post-rock, mais il y a des fois des choses dans le post-rock qui sont un peu très vite chiantes. Et donc, du coup, on essayait d'éviter, voilà, de trouver le bon dosage. Après, je pense que ça vient des différentes personnes dans le groupe avec différentes influences. Je crois qu'on n'écoute pas tous la même chose et pas tous en même temps, en tout cas. Donc, ça amène autre chose, oui. Bah justement, tu disais que votre line-up avait bougé. Est-ce que ça a été un travail qui a été un peu, enfin, plus compliqué de justement à écrire, parce que vous avez quand même eu un processus pour le sortir de 4 ans. Est-ce que c'est le duo line-up qui a bougé, ou c'est juste que en fait vous aviez besoin de ce temps-là pour maturer cet album? Alors un peu des deux, parce que alors, notre deuxième album est sorti en fin 2020, donc Covid, toutes les tournées annulées, on a eu un départ d'un bassiste, quelques mois plus tard un des deuxièmes batteurs, donc c'est tout de suite, il a fallu réagencer le groupe. Et tout de suite recomposer des morceaux parce qu'on ne voulait pas forcément rejouer les morceaux des anciens albums qui étaient composés avec d'autres personnes et que c'était difficile, refaisable sans deux batteries. Donc il a fallu recomposer, repartir de zéro quasiment le groupe. Donc ça a mis du temps et après il a fallu remonter ces morceaux, les jouer en concert. Et ensuite, bah, voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et ce qui a mis du temps, ce qui met du temps, beaucoup de temps avec nous, c'est que bah, on fait tout nous-mêmes. Et donc, c'est très bien. Mais il n'y a jamais personne pour dire stop. Ouais. pour bien sûr, on s'arrête là. Donc on peut passer 2 semaines sur 1 minute 30 de morceaux à, voilà, à agencer, à faire des arrangements, à mettre des textures passer les 2 semaines suivantes à se dire bah non, on a trop mis, il faut enlever. Donc voilà, ça peut être, ça a été, celui-là, ça a été le plus long pour ça. Donc c'est bien quand je crois que quelqu'un nous dise c'est bon, on arrête, stop. Là, je vais me projeter un peu. C'est jamais facile, justement, de sortir d'une trilogie d'albums où tout est lié. Est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous voulez, vers quoi vous voulez partir pour la suite? Ou pour l'instant, vous ne vous projetez pas du tout parce que déjà, il y a cet album qui sort, il va falloir le jouer en live, tout ça. C'est ça. Là, on est plus là-dessus sur voilà, le jeu en live. On a déjà recommencé à rejouer pour l'adapter aussi en live. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, il y a 3 guitares, mais il y a beaucoup de choses. Il y a des samples, il y a du synthé. On l'adapte pour quelque chose peut-être d'un peu plus live, un peu plus cru. Voilà, là, pour l'instant, on est plus là-dessus. On ne s'est pas projeté sur le prochain. Voilà, moi, je me dis juste que le prochain, effectivement, qui nous dit stop à un moment, parce qu'on a du mal à savoir s'arrêter. Ouais. Mais sinon, non. Pour l'instant, il n'y a pas de suite de prévu. Là, on va défendre celui-là et je suis content qu'il sorte enfin. Ouais. Ah, peut-être des envies de bosser avec quelqu'un justement en studio pour vous aiguiller un petit peu justement pour vous dire stop à l'avenir ou justement le fait d'être totalement libre, ça vous plaît trop pour renoncer à C'est ça. ça? C'est un peu le problème. C'est-à-dire que d'avoir une telle liberté, une telle palette de choix, mais bon, c'est comme tout le monde, quoi. Plus on te donne de choix, plus ça prend de temps de tout essayer. Et puis ben, on est cinq, donc avec parfois Tout le monde a des idées. des idées, des envies différentes, selon les moments, selon ce qu'on écoute beaucoup. On peut avoir des idées, des influences, des idées de son. Et en même temps, voilà, moi je me dis, ça serait un petit challenge d'enregistrer un album en 10 jours, 15 jours, alors que celui-là, je sais pas combien de temps on a mis pour l'enregistrer, mais on a passé beaucoup de temps. Ouais. On l'a mixé, on l'a masterisé nous-mêmes, donc ouais, ça a pris du temps. Mais on est très content Oui, du bien sûr. résultat. Honnêtement, c'est un excellent album, donc oui, vous pouvez qu'en être fier, oui. Je vais finir avec une dernière question, mais qui me paraît importante, c'est où est-ce qu'on va pouvoir vous voir dans les mois ou années à venir en concert? Est-ce que vous avez déjà des choses de calées? Pas du tout, c'est en cours de travail? C'est en cours pour l'instant. On essaie de voir plutôt pour la rentrée fin août, début septembre 2026. Pour l'instant, c'est juste pour parler avec les gens qui veulent bien nous faire jouer, qui veulent bien nous faire confiance. Mais on a très envie de rejouer tout ça en live parce que la setlist, ça sera l'album entier. Ouais. Donc Ok. Bon, ça va être un... Après, c'est logique. Il y a une vraie construction de l'album. Donc, c'est aussi une ouais. logique de vouloir le jouer en entier. C'est ça. Et puis on avait sorti un morceau en 2023 qui est tiré de ces sessions. Au départ, il devait être voilà, il devait être sur l'album et puis voilà, on l'a sorti en single unique, parce qu'il faisait déjà 10 minutes. Et puis, ça faisait 3 ans qu'on n'avait rien sorti. Donc, c'était une bonne occasion de sortir ce morceau. Donc, pour l'instant, pour les dates, il n'y a rien de définitif. Mais voilà. Là, vous travaillez pour essayer d'aller un petit peu partout On en France. cherche, on cherche, ouais. Entre quelques falafels et des coca, on n'est pas trop gourmand. Ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Moi, j'invite tout le monde à aller écouter là où le 13 février, le jour de la sortie votre nouvel album qui sera disponible à peu près sur toutes les plateformes et aussi en physique, je suppose. Ouais, il sort en vinyle chez À temps rêver du roi et sur notre label qui s'appelle Medication Time. Voilà, il est en précommande et voilà, l'album sort tout d'un coup parce que c'était difficile d'isoler des morceaux comme tu as pu le constater. Et c'est un album qui s'écoute voilà, plutôt de A à Z. Et plutôt posément, pas trop dans la bagnole, quoi. Enfin... Ouais, non, je crois qu'il y a des lieux pour ça. Ouais, Ouais. complètement. Voilà. Ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne release, que Merci du beaucoup. plaisir. Merci à toi. Merci de ton accueil, je te remercie. À bientôt, salut. À bientôt, ciao.